Ouais. On vient d'entendre Ensemble, nous sommes tout, et c'est extrait des grains des choses, du grain des choses. Vous pouvez retrouver donc en ligne sur le site internet. Alors, on a a priori des petits soucis techniques, c'est-à-dire vous nous entendez avec un petit grésillement. On n'a pas réussi à trouver la solution. Donc, on vous invite à écouter, c'est ça, une radio d'intervention avec ses aléas. On vous invite à écouter le son sur le site, et on est toujours avec Jérôme à Amiens, Juliette à Rouen, Nicolas à Paris. Normalement, ça fonctionne toujours. Si on les entend. Alors attendez, ça va. Eh oui, ça vient de chez moi. Voilà, normalement on vous entend, c'est bon. Ok, Voilà, ça y est, ça revient. alors, Désolée. Voilà, je suis chez moi, essayer de gérer la technique en même temps. Donc ça y est, on vous a bien. et sur le petit son du grain des choses, donc qu'on vient d'entendre sur un texte de Yanchi, ce que je trouve vraiment chouette là en ce démarrage d'antenne, c'est de dire d'inverser en fait complètement le discours qui nous est tenu en face. C'est ça aussi. Passer à l'offensive et pas simplement subir, c'est-à-dire refuser ce terme de distanciation sociale qui est ignoble et qui exactement en fait ce que fait le capitalisme depuis des décennies, la distanciation sociale. C'est jusque-là, il la pousse à un point extrême. Et après que nous, oui, bien sûr, on en reparlera un petit peu plus tard sur le fait que bien sûr il faut se confiner, qu'il faut protéger les personnes qui risque d'être contaminé et de ne pas y survivre. Mais ça ne signifie pas en fait qu'on est en train d'obéir à l'État. Et on peut justement refuser ce terme de distanciation sociale et en inventer plein d'autres, en fait, de dire qu'on est en train de recréer du lien et pas de couper tous les liens. Mais peut-être avant de revenir là-dessus, on cause un petit peu avec Jérôme. Salut Jérôme. Salut. Donc toi, tu es à Amiens. Ouais. Aude, tu veux je te laisse conduire tout ça? Ok. Eh ben oui, non, on avait envie de parler de. Mais ça va dans ce sens-là aussi, de s'organiser, pas se laisser. Enfin, que les liens restent. Et surtout, il y a un. Enfin, on voulait parler de la grève des loyers, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, tout simplement, ne sont pas en mesure de payer un loyer. Et c'est le loyer de ce mois-ci, c'est pas le loyer du mois prochain. Et donc ça s'organise un peu partout dans plusieurs endroits de la planète. Et Jérôme, toi, tu avais un peu suivi ça. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu avais entendu à ce propos? Ben non, disons que ben l'effet de la crise, enfin un des effets de cette crise, comme souvent, c'est que ça fait comme un révélateur de choses qu'on connaissait, qu'on n'avait pas forcément envie de révéler. Par exemple, ben toute l'économie souterraine, toutes les petites démerdes. On voit que bon, je peux parler de plusieurs endroits où il y a cette espèce de slogan grève des loyers qui est apparu, mais aussi pourquoi est-ce que ça apparaît en Italie, par exemple, notamment dans le sud de l'Italie, ben, on a une population qui vit pas mal de débrouilles, qui n'est pas dans des schémas classiques d'emploi ou de socialisation. Donc tu as 30 à 40% d'économie clandestine, comme on dit au noir. Et du coup, ben, le fait que il y ait cette crise et cette distanciation sociale imposée, ce confinement imposé, ça crée des situations d'hyper-précarisation très rapides. Donc forcément, avec des gens qui avaient l'habitude ben, de se refiler de la thune de la main à la main, de faire des petits boulots, etc., etc. Donc ils se retrouvent du jour au lendemain coupés de tout revenu. Et donc, ben, dans l'impossibilité ensuite de payer les choses un petit peu plus officielles comme les factures d'électricité, d'eau, de gaz et les loyers. Donc, ben, là-bas, par exemple, c'est pas mal pour ça que c'est apparu. Ensuite, ben, en Espagne, c'est quelque chose qui est apparu assez rapidement aussi. Mais ben, disons qu'en Espagne, ce qu'on peut noter, c'est que comme révélateur, c'est un autre révélateur, c'est un révélateur de solidarité qui était là depuis un petit moment déjà, depuis au moins 2008 et la crise la crise de la bulle spéculative immobilière qui avait mis pas mal de gens à la rue. Et du coup, il y a une grosse organisation de voisinage, une grosse organisation autour de la question locative, de la question de l'habitat et du logement qui existe là-bas depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc ce que ça a révélé, c'est que tout ce soubassement de micro-organisations de quartier et de voisins, il y a ce qu'on appelle là-bas, dans beaucoup de villes, des syndicats de quartier. Des syndicats de quartier qui s'occupent à la fois des personnes vulnérables, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes qui sont sans papier, ou etc. etc. Et vu qu'il y a cette préparation, parce qu'il y a cette expérience à la crise, ben là, il y a toute une émergence, enfin, en tout cas, une révélation de pas mal de petites structures qui se remettent en place et qui se réactivent pour faire en sorte qu'ensemble, il soit possible de ne pas payer les loyers. Et là, c'est C'est notamment le... notamment... Ah, je m'entends en double, c'est peut-être parce que t'as ton radio derrière. Enfin, il y a le syndicat des îles Canaries qui avait lancé justement une grève générale et indéfinie des loyers à partir du 1er avril. Oui, il y a ça, par exemple, mais je pense que dans plein de villes, il y a ça aussi. Après, c'est d'une manière plus ou moins structurée. Et je pense que c'est ça qui est important à noter, c'est qu'il y a une différence entre ne pas payer son loyer, ne pas pouvoir payer son loyer et organiser une grève de loyer. Je pense que pour l'instant, payer de grève de loyer, où que ce soit dans le monde, il n'y a pas vraiment de grève de loyer hyper organisée. Il y a des appels à la grève au loyer. Mais je ne pense pas que ça existe de fait. Il n'y a pas encore de gros mouvements. Vu que de toute façon, on est à la première échéance de paiement des loyers, là, avec le 1er avril, c'est quelque chose qui débute. Il va falloir voir un petit peu comment ça s'organise dans la durée. Et je voulais juste terminer sur les États-Unis. Aux États-Unis, on voit qu'il y a une explosion des demandes d'aide au chômage. Parce que ça fait un autre révélateur aux États-Unis, mais qui est assez proche pour le coup de la France. C'est les nouvelles formes d'emploi, notamment les auto-entrepreneurs, les indépendants, les freelances, qui du coup ont déjà un peu l'habitude pour beaucoup de faire du télétravail ou qui sont des petits artisans et qui se retrouvent dans une mer de noir parce que il n'y a plus de commandes, il n'y a plus de boulot. Et là, le New York Times parlait avant-hier de 40% des locataires de New York qui se retrouvent sur la paille, c'est-à-dire dans l'impossibilité claire et nette de pouvoir payer leur loyer. Donc 40% sur une ville comme New York, c'est quand même assez énorme. Ça veut dire qu'il y a 40% de gens qui sont dans une situation de précarité telle que à la moindre crise du capitalisme, ils se retrouvent dans l'impossibilité de survivre à leurs besoins de base, quoi. Et donc ça c'est ce que tu notes, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des invitations à la grève, et l'invitation à la grève, c'est aussi de se dire bah, que c'est pas juste, enfin c'est pas que pour soi, enfin on ne pense pas qu'à soi, mais à ceux qui, en solidarité, à tous ceux qui ne peuvent pas payer le loyer. Mais pour le moment, pour s'organiser très concrètement, qu'est-ce qui manque? Comment on peut faire, enfin j'imagine que c'est en cours, mais comment on pourrait faire pour que ça prenne un peu forme et qu'on puisse très concrètement rendre effective cette grève? Ouais, c'est tout le problème de la situation politique actuelle et du fait qu'il soit très difficile de s'organiser à distance. Ça pose le problème en France, contrairement justement en Espagne, que vu qu'il nous manque pas mal de pré-organisation, du coup les choses doivent s'improviser un peu au dernier moment. Donc il y a déjà je pense qu'il y a surtout des échanges entre structures déjà existantes. Je pense que il y a peut-être quelque chose à attendre du côté des associations ou des syndicats, qui sont en France ce qu'on connaît de mouvements les plus organisés, malheureusement. Il n'y a pas de syndicats du quotidien comme en Espagne. Et du coup, là-dessus, il commence à y avoir des associations qui envoient des lettres à leurs propriétaires, des syndicats qui commencent à parler de situations de précarité et qui du coup peuvent peut-être jouer sur la question des loyers. Sachant que cette question de grève des loyers, elle pose une question d'effet domino, c'est-à-dire que si les gens ne payent pas leur loyer, ça veut dire que derrière, les propriétaires ne payent pas leur crédit à la banque pour beaucoup, ce qui veut dire que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une pression à effet rebond où, ben, au final, ce sera les banques et le gouvernement qui vont se retrouver dans des situations extrêmes, ce qui est peut-être encourageant dans un certain point de vue, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, vous m'entendez, Vincent? Et Oui. du coup, comment ça se structure là? L'idée, c'est par exemple d'envoyer un courrier à son proprio, peut-être de commencer à préparer le terrain en disant, enfin, c'est aussi un contexte qui est favorable à ça, hein, finalement. En ce moment, on sent qu'il y a une espèce de pulsation politique. Il y a 3 mois, on n'aurait pas pu envisager d'envoyer un courrier au proprio aussi simplement, quoi. Donc là, c'est qu'on envoie un courrier au proprio en disant, ouais, je suis en difficulté pour payer mon loyer suite à la crise du Covid-19. Est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Comment ça se passe concrètement? Bah, il me semble que, mais alors ça c'est, voilà, moi j'ai pas de solution miracle. Je pense que ce qu'il faut penser, c'est vraiment en termes de prudence et d'organisation. Je pense qu'il faut demander d'abord, effectivement, un petit peu gentiment une exonération de loyer à son propriétaire, voir déjà comment ça répond, voir s'il y a certains propriétaires qui sont plus compréhensifs que d'autres. Et que, de toute façon, ça ne mange pas de pain de faire cette demande. On ne peut pas être attaqué juste pour avoir demandé de ne pas payer son loyer. Ensuite, on peut imaginer que... alors, pour les associations, pour toutes les structures qui ont un bail commercial, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ordonnance qui est passée donc le 26 mars, qui dit que toutes les associations, enfin toutes les structures, qu'elles soient entreprises ou associatives, qui ont un bail commercial, ne peuvent pas être poursuivies juridiquement pour ne pas payer leur loyer, leur facture d'électricité, de gaz, etc., pendant la durée du confinement. Donc ça, déjà, ça peut être un truc intéressant, c'est-à-dire, est-ce que les associations ne peuvent pas monter d'abord au créneau et ensuite voir si, par répercussion, les particuliers pourront accéder à ça? Ça peut être intéressant. Et donc, je disais prudence, c'est-à-dire commencer doucement. Je ne pense pas qu'il faille tout de suite gueuler grève au loyer, je ne paierai pas, allez vous faire foutre, mais plutôt d'abord demander et voir comment ça répond. Et ensuite s'organiser, c'est-à-dire ne pas faire ça tout seul dans son coin. S'organiser avec ses voisins, si c'est possible, si on habite par exemple dans un immeuble ou si on habite dans un quartier de manière assez dense pour pouvoir discuter avec ses voisins et ses voisines. Et puis s'organiser ensuite de quartier en quartier et de ville en ville pour voir comment il est possible au final d'accéder à cette, il me semble, juste demande, quoi. D'ailleurs, c'est assez symptomatique que l'État ait prévu un truc pour les bails commerciaux, mais pas du tout pour les particuliers, quoi, qui risquent de se retrouver très concrètement sans maison, quoi. Pas juste sans endroit pour travailler ou pour exercer une activité, mais juste sans maison. Je voulais aussi citer un tweet que j'avais vu passer sur un compte qui relaye pas mal la grève des loyers en France, qui s'appelle FKZadis, avec un Z. Et ce tweet, c'était une femme qui disait, mais si votre propriétaire vous répond que votre loyer, c'est son seul revenu et que ça le met dans la merde, du coup, ben en fait, ce qui veut dire vraiment, c'est que la seule façon dont il gagne sa vie, c'est d'être propriétaire de votre maison. Ce qui renverse effectivement un peu la perspective en termes de légitimité à mener une grève des loyers. Et peut-être, je voulais aussi citer un super article qu'il y a sur Jeff Clack, qui s'intitule Covid-19, la grève des loyers comme immunité collective, de Stefano Portelli. Et donc vous pouvez le lire en ce moment là sur Jeff Clack, c'est jeffklak.org. Et Je voulais Stéphane. juste rajouter un truc, Jess, si tu permets. Ouais, on le rappelle jamais assez, mais en fait, le loyer, c'est pas du tout anecdotique, hein. C'est une des structures fondamentales du capitalisme, puisqu'en fait, on vit à crédit. C'est-à-dire que normalement, pour un travailleur, une travailleuse lambda, on paye le loyer au début du mois et on est payé sur notre salaire à la fin du mois. Donc en fait, on a un mois de crédit dans notre vie. Donc en fonction des époques, ça a varié, ça peut être journalier, mensuel. Enfin, voilà, mais donc c'est une des structures fondamentales. Et en plus, on a vu. L'explosion du prix des loyers sur ces 15-20 dernières années dans toutes les métropoles de la planète. Donc, qui est devenu en fait le problème de paiement majeur de chacun, chacune. Et se loger, c'est pas une option, quoi. Oui, puis ça révèle aussi, si je peux, enfin, ça révèle aussi toute la bulle qu'il y a eu autour de Airbnb qui est un petit peu en train d'exploser par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a eu une tension ces dernières années autour des logements, notamment dans les grandes métropoles et les grandes métropoles avec une grande attractivité touristique où du coup les loyers ont augmenté et les logements se sont réduits parce que de plus en plus de logements ont été alloués par les propriétaires à des touristes hyper chers via Airbnb. Or, là, dans la situation où il n'y a plus trop de tourisme, ben, ça fait effectivement des multipropriétaires qui avaient une rente bien assurée, qui se retrouvent dans une galère pas possible par rapport à leur situation d'avant, et qui du coup vont, à mon avis, tout faire pour éviter qu'il y ait, en plus de ça, une grève des loyers sur les locataires plus classiques. Et donc ça, je pense qu'il faut aussi le garder en tête, c'est-à-dire que on est dans un moment où ça peut être intéressant d'appuyer sur ce point-là, là où ça fait mal, c'est-à-dire, voilà, si les loyers sont aussi chers et s'il y a autant de rentiers, c'est aussi grâce à des nouvelles formes d'économie hyper agressives comme Airbnb qui nous met aussi dans cette situation-là, quoi. Et je crois que c'est ça en fait qu'on entend dans le stream, les petits grésillements que vous entendez. En fait, je crois que c'est la bulle spéculative qui est en train d'éclater dans votre tête, quoi. Oui, voilà, vous écoutez toujours à Centrale et sur acentrale.org, mais sur aussi plein de radios qui nous relaient. On les remercie. Il y a Pinode à Mulhouse sur le DAB+, il y a Radio Piquet à Brest, La Parole Errante demain sur le site de La Parole Errante, à Montreuil, Cause Commun dans le Lot, L'Écho des Cabanes dans le Gers, Radio Campus France, pareil sur le web, Radio MNE à Mulhouse. D'ailleurs, si vous pouvez nous appeler depuis Mulhouse, vous écoutez actuellement sur le 107.5. L'Écho des Garrigues à Montpellier 88.5 et en différé par Radio Fréquence Paris Pluriel sur Paris 106.3. Et vous pouvez donc nous appeler au 09 50 39 67 59. On a effectivement un petit son. Vous nous écoutez avec un joli petit grésillement parce qu'on fait avec les moyens techniques du bord qu'on n'a pas encore complètement résolu. Et puis, après cette grève des loyers, on avait envie de parler aussi des... vas-y, Juliette. Juste avant de finir, peut-être je me demandais à Jérôme comment est-ce qu'on peut joindre le mouvement de la grève des loyers en France. Mouvement, encore une fois, il n'y a pas vraiment de mouvement. En tout cas, il y a des gens qui commencent à se parler les uns les autres, il y a des structures qui commencent à se parler. Je voulais peut-être juste rajouter qu'il y a un truc à prendre en compte aussi, c'est la durée du confinement qui est très, incertaine. Et je pense notamment à des structures associatives qui ont l'habitude, par exemple, d'accueillir du public et qui se retrouvent sans revenus et qui vont sûrement pas pouvoir accueillir du public pendant 6 mois, voire peut-être plus, qui du coup vont se retrouver sans revenus. Ce que je voulais dire, c'est que il peut y avoir une pression des propriétaires à un moment donné pour dire « mais oui, mais vous avez un peu de trésorerie, vous avez un peu d'économie, etc. » Mais la question, c'est vraiment d'imaginer des choses sur la durée, quoi. Et quand on a des loyers de 1000 ou 2000 euros, qu'on soit particulier ou dans une structure associative, si on déroule ça sur 6 mois, ça fait des sommes assez pharaoniques qui vont être dues à des propriétaires, alors que c'est pas tenable, quoi. Et je vois pas pourquoi ça serait des petites structures ou des particuliers qui aurait à payer les pots cassés de cette crise, quoi. Et ça, je pense qu'il faut vraiment commencer à se le mettre à l'esprit, quoi. Après, il y a effectivement un mail qui commence à tourner où on peut envoyer des témoignages et des témoignages de situation ou des exemples de lettres qu'on aurait envoyées à son propriétaire. Et ça peut être un premier point pour s'organiser ensemble. Le mail, c'est grève loyer. Attendez, je sais plus, je l'ai vu passer. C'est grève loyer au singulier, donc GREVELOYER, grève loyer, at riseup.net. Donc @riseup, RISEUP.net. On va le mettre sur le chat de la centrale, grève loyer, at riseup.net. Voilà, donc ceux qui ont accès sur internet à centrale.org, vous le voyez apparaître. Et après, il y a des comptes Twitter, j'ai vu passer grève des loyers aussi sur Twitter, il y a des comptes Mastodon, il y a des petits fils d'informations comme ça à suivre pour être tenu au courant. Bon, bah, à suivre alors. Peut-être qu'on pourra en reparler la semaine prochaine si les choses avancent et s'organisent un peu. Merci Jérôme. Merci.